Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Mélange. Lourdes et ses miracles. Cet article apparu en juin 1880, par conséquent peu de temps après les décrets du 29 mars. Lourdes est une station de la ligne entre Pau et Toulouse, où se trouve l'embranchement qui mène à Pierrefitte. C'est de Pierrefitte que partent les deux routes thermales qui conduisent, l'une au bain de Cotteray, et l'autre au bain de Barège. Mais Lourdes a également son bain, seulement ce n'est point, comme pour Barège et Cotteray, une source richement sulfureuse, ce n'est pas même une eau minérale, c'est une simple fontaine d'eau douce. Et cependant cette fontaine compte également de nombreux visiteurs, il s'y opère même des cures plus admirables encore qu'à aucun bain des Pyrénées. Pourquoi donc ces attaques furibondes dont Lourdes est l'objet et qui augmentent en proportion même des cures qu'on en raconte? Tout s'explique par un mot, c'est que ces cures, on les appelle des miracles. Des miracles. Parler de miracles en plein 19e siècle. Mais, s'écrit-on, c'est plus qu'un anachronisme, c'est un non-sens. Je ne viens point, à propos de ces cures, aborder ici la question dogmatique et religieuse, fidèle à mon rôle de médecin, et tenant à n'en pas sortir, j'envisagerai uniquement son côté pratique. Commençons d'abord par établir, à titre d'axiome, que, dès l'instant où il s'agit de la santé, la croyance au miracle fait tellement partie intégrante de notre être, qu'elle survit à tout autre sentiment et ne s'éteint qu'avec nous. Voyez cette pauvre femme agenouillée près du berceau de son enfant que la science a condamné. Que demande-t-elle? Un miracle. C'est un miracle également que demande cet autre qui vient brûler un cierge à l'autel de Notre-Dame des Douleurs. Et cette troisième, qu'espère-t-elle de la neuvaine qu'elle va faire dire, sinon le rachat par un miracle d'une vie qui lui est chère? Je pourrais passer ainsi en revue toutes les classes de la société et toutes les existences. Partout nous retrouverions les mêmes faits qui ne varient que par leur manifestation. C'est qu'il n'est pas de malade, quelle que soit la gravité de son état, qui n'ait l'espoir de guérir, ou que d'autres n'aient pour lui. Si les secours humains font défaut, on en appelle à l'intervention divine, jusqu'à la dernière heure on espère. Sous ce rapport, le cœur de chacun de nous représente bien réellement une boîte de Pandore. C'est à ce sentiment qu'obéissent, de même, la plupart des nombreux pèlerins qui, chaque année, se rendent à Lourdes. Eux aussi sont atteints de souffrances contre lesquelles il n'y a plus rien à attendre ni de la nature, ni de l'art. Ils le savent, ils le sentent, vainement on essayerait de le leur cacher, et cependant il y a quelque chose en eux qui leur dit qu'ils pourront guérir. Comment s'étonner dès lors qu'ils se dirigent là où ils entendent dire que la Vierge manifeste avec le plus d'éclat sa bonté et sa puissance? Ne semble-t-elle pas les y convier par les prodiges qu'elle opère à tout instant sur des cas analogues aux leurs? Ils se décident donc à entreprendre le voyage. Qu'importent les longueurs, les fatigues de la route, elles seront promptement oubliées, si la guérison est au bout. Mais, comme il a été dit que la prière en commun n'a plus d'effet que la prière isolée, et que d'ailleurs elle se prête mieux aux épanchements de l'âme, les malheureux que la maladie rapproche se concerteront pour que leur départ ait lieu au même jour et aux mêmes heures. Au besoin, ils s'entendront avec les chemins de fer pour qu'un train spécial leur soit réservé. De cette manière, rien ne viendra troubler leur recueillement. De plus, ils n'attristeront personne par la vue de leurs souffrances et de leurs misères. Voilà donc le pèlerinage organisé. Chacun se rend à son poste, et, Une fois réuni, le convoi se met en marche. Le convoi, ai-je dit. L'expression prise ici dans son sens absolu n'est que trop juste, car il s'agit bien réellement de condamnés auxquels il ne reste qu'une chance de salut, celle de se pourvoir en grâce et de porter eux-mêmes leur pourvoi. Aussi, comme pour attendrir celle dont ils vont implorer l'assistance, ils entonnent en son honneur ces chants plaintifs et doux qu'on appelle des cantiques. Cependant, le bruit du départ des pèlerins s'est répandu sur la ligne. Des rassemblements se forment aux principales gares que ceux-ci doivent traverser. Pourquoi cette affluence? Est-ce la sympathie pour le malheur qui amène et réunit ces groupes d'individus? Le doute à cet égard, en admettant qu'il ait été possible un instant, ne sera pas longtemps permis. À peine, en effet, les voyageurs ont mis pied à terre qu'ils sont assaillis par des cris, des huées, des vociférations, les épithètes les plus injurieuses leur sont adressées, on parodie leurs chants, aux strophes pieuses on substitue des couplets impies ou obscènes, on fait surtout retentir à leurs oreilles les sons de la Marseillaise. La Marseillaise. Allez-vous donc la décréter l'hymne laïque et obligatoire des pèlerins, et remplacer par ordre les noms de Jésus et de Marie par le sang impur et les sillons? Mais il est des gares où l'on pousse les excès encore plus loin, on y joint des voies de fait, des coups sont portés, des pierres sont lancées, d'où résultent, en plus du saisissement moral, des blessures qui peuvent avoir leur gravité. Dernièrement, une jeune fille a reçu ainsi une blessure à la tempe, dont elle conservera toujours la cicatrice. D'où viennent ces démonstrations et ces actes sauvages? Faut-il n'y voir qu'une perversion du sentiment populaire? Non, mais bien plutôt le résultat des suggestions malsaines venues du dehors. Livré à ses seuls instincts, le peuple est généralement bon et humain. Prenons comme spécimen la population de Paris, celle précisément qu'on serait peut-être tenté de citer à l'appui de la thèse opposée. Chacun sait combien elle est terrible dans ses égarements, surtout quand elle est surexcitée par des meneurs. Mais considérez-la à ses heures de repos et de calme, alors qu'elle s'appartient bien réellement à elle-même. Qui pourrait douter de son bon cœur? Je n'en veux d'autre preuve que son respect pour les morts. Qu'un mort soit exposé au seuil de sa demeure, masure ou palais, qu'il traverse une rue, porté sur une simple civière par deux hommes en veste, ou traîné dans un corbillard opulent par des chevaux richement caparaçonnés, il n'est pas un passant qui ne se découvre à son aspect, pas un. Et quoi? Vous saluez le cadavre et vous insultez le moribond. Faut-il donc être tout à fait mort pour avoir droit à vos respects? Ces crimes de lèse-humanité, dans la personne des pèlerins, n'ont eu déjà que trop de retentissement à l'étranger, ils ont même, on peut le dire, porté un coup désastreux à notre honneur national. En voulez-vous un exemple? Il s'était organisé, il y a quelque temps, un pèlerinage en Angleterre pour se rendre à Lourdes, mais, disent les dépêches, mieux informés de l'état des esprits en France, on a dû y renoncer. Ainsi notre sol a cessé d'être hospitalier même pour les malades et les infirmes. Au moment de l'aborder, ils rebroussent chemin, comme s'ils entendaient une voix leur crier « Ah ! Fuyez cet air cruel, fuyez ce rivage avare. » Confère Énéide, 3:44. Mais revenons à nos nationaux. Ils arrivent enfin à la fontaine, objet de tant d'espérance, qui pourrait dépeindre alors l'émouvant spectacle qui est offert. C'est à qui en approchera ses lèvres, à qui plongera dans la piscine la partie malade, les moins valides s'y font porter, tous les âges et toutes les conditions y figurent, toutes les souffrances y sont représentées, on dirait une sorte d'exhibition générale des misères humaines. Mais, parmi ces misères, combien seront soulagés et combien seront guéris? Demandez-le aux pèlerins, personne ne le sait mieux qu'eux. J'ajouterai que, moi aussi, j'en sais quelque chose. Ainsi j'ai visité Lourdes avec le même esprit d'observation et la même réserve que j'ai apportée dans toutes mes excursions aux stations balnéaires. Or, pour ne parler que des faits qui me sont personnels, je veux dire qui se rattachent à ma clientèle propre, j'affirme avoir vu des malades en revenir guéris. Alors que mes confrères et moi avions jugé leur état complètement au-dessus des ressources de la nature et de l'art. Il suffit du reste de jeter les yeux sur la liste des guérisons que publient les comptes rendus et les bulletins, pour voir que, dans le nombre, il en est beaucoup qui méritent le nom de miracle. Je dis dans le nombre. C'est que toutes ne le méritent pas. Sous ce rapport, les gens du monde sont en général d'assez mauvais jugeant ce qu'il leur manque les éléments scientifiques voulus d'une saine appréciation. Pour eux, la gravité des symptômes est l'unique critérium de la gravité du mal. Or, bien loin qu'il en soit toujours ainsi, il pourra se faire qu'une affection qui renferme en elle des éléments certains de mort se présente sous des apparences bénignes, tandis qu'une autre qui n'est pas de nature, au contraire, à compromettre l'existence, s'offrira sous les dehors les plus effrayants. D'où je conclus qu'à moins de certains changements à vue tellement extraordinaires qu'ils rendent le phénomène manifeste pour tous, un miracle n'offre réellement les garanties voulues d'authenticité que tant qu'il a reçu l'estampille de la science. Mais remarquez que là n'est pas la question. Il ne s'agit pas en effet d'un point médical ou canonique à établir, il s'agit simplement d'un fait personnel, qui ne regarde que l'intéressé, et pour lequel il est seul compétent. Voilà un individu qui souffrait et qui ne souffre plus, qui n'entendait pas et qui entend, qui ne voyait pas et qui voit. Cela lui suffit, mais, vous, cela ne vous suffit pas, de quoi vous mêlez-vous? Et s'il lui plaît d'appeler sa guérison un miracle, qu'est-ce que cela vous fait? Mais je vais plus loin et je dis, lors même que la fontaine de Lourdes n'agirait que sur l'imagination, chose que je nie, elle rendrait encore de réels services. Car enfin, supposons un malade imaginaire et un guéri imaginaire, le premier cessera d'avoir les maux qu'il croyait sentir, le second cessera de sentir les maux qu'il a réellement, par conséquent, tous les deux y gagneront. À cela comment répond-on? On répond par des injures, et des plus grossières. Ainsi, pour nos matérialistes et nos athées, tout pèlerin est un clérical, c'est-à-dire un imposteur et un fourbe. Ces maladies sont simulées, leur guérison une farce. Il y a à Lourdes une mise en scène digne de Robert Houdin, et l'ancien tous opère les prétendues cures miraculeuses n'est qu'une parodie de l'ancienne cour des miracles. De toute cette diatribe, je ne relèverai qu'un mot, c'est celui-ci, les maladies sont simulées. Veuillez donc me dire comment on simule un cancer du sein. Comment on simule une ulcération de la langue? Comment on simule une carie, une nécrose, une tumeur blanche, toute maladie qui, d'après les relevés de chaque jour, obtiennent leur guérison à Lourdes? Si ce sont là au contraire des maladies très réelles, et il faut bien qu'elles le soient, puisqu'on ne saurait les simuler, leur guérison doit être regardée comme un miracle. Les affections de cette espèce ne guérissant jamais spontanément. Mais, de même qu'on ne discute pas Dieu avec un athée, de même on ne discute pas eau avec un hydrophobe. Or, cette malencontreuse eau de Lourdes vous met dans des états d'exaspération qui rappellent des crises d'hydrophobie. Laissons donc de côté Lourdes et sa fontaine, et, comme tous les lieux de pèlerinage sont solidaires, Puisque ce sont partout les mêmes faits attribués à la même action divine, choisissons-en un autre pour terminer ce qui nous en reste à dire. Nous prendrons, si vous le voulez, Notre-Dame de Lorette. C'est le pèlerinage le plus ancien de tous, c'est aussi le plus vénéré. D'ailleurs, il ne fait pas partie de notre territoire, ce qui nous permettra d'en parler plus à notre aise. Il y a juste 300 ans, un Français qui se trouvait, comme nous dirions aujourd'hui, en tournée thermale, se dirigeait à cheval vers Lorette. C'était un homme d'une cinquantaine d'années. Il avait acquis déjà une très grande célébrité, par son fameux doute philosophique, qu'il avait résumé en une formule, que sais-je, et par les mérites de tout genre de son livre des essais, dont il venait de publier la première partie, j'ai nommé Montaigne. Que venait-il faire à Lorette? Il y allait en pèlerinage. Mais laissons-le nous raconter lui-même ses impressions et ses actes. Note. Les extraits qui vont suivre sont empruntés à son livre intitulé « Journal de Michel Montaigne en Italie par la Suisse et l'Allemagne, en 1580 et 1581 », dont j'ai donné un compte-rendu détaillé dans mon guide aux eaux minérales, à cause du séjour qu'il fit dans les principaux établissements thermaux. Fin de la note. Là, dit-il, se voit au haut des murs du sanctuaire l'image de Notre-Dame, faite de bois, tout le reste est si fort paré de vœux, riche de tant de lieux et princes, qu'il n'y a jusqu'à terre pas un pouce vide qui ne soit couvert de quelques lames d'or et d'argent. J'y pus trouver à toute peine place, et avec beaucoup de faveur, pour y loger un tableau dans lequel il y a quatre figures d'argent attachées, celle de Notre-Dame, la mienne, celle de ma femme, celle de ma fille, et sont toutes de rang, à genoux dans ce tableau, et la Notre-Dame, haut, sur le devant. Mon tableau est logé à main gauche, contre la porte d'entrée, et je l'y ai laissé très curieusement attaché et cloué. Ainsi Montaigne, comme tout bon pèlerin, dépose son ex voto. Or remarquez, par la description qu'il en donne, que ce n'est pas lui seulement, mais bien sa femme et sa fille unique, c'est-à-dire toute sa famille, qu'il place ainsi sous la protection de la Vierge. Mais ce n'est pas tout. Nous fîmes, dit-il, nos pecs en cette chapelle, ce qui ne se permet pas à tous. Un jésuite, allemand midi la messe et donna à communier. Ainsi, ce n'est pas seulement comme chrétien qu'il remplit son devoir pascal, mais bien comme pèlerin, puisqu'il tient à recevoir la communion dans le sanctuaire réservé aux pèlerins. Voilà donc Montaigne qui fait à Lorette précisément ce que font les pèlerins à Lourdes. Que vont dire nos libres penseurs? Soit, répondront-ils peut-être, mais les miracles? Les miracles, j'y arrive. Ce lieu, continue Montaigne, est plein d'infinis miracles. Je n'en citerai qu'un seul. Il y avait la Michel Marteau, seigneur de la chapelle, parisien, jeune homme très riche, avec grand train. Je me fis fort particulièrement et curieusement réciter par lui et par aucun de sa suite l'événement de la guérison d'une jambe qu'il disait avoir vue en ce lieu. Il n'est possible de mieux ni plus exactement former l'effet d'un miracle. Tous les chirurgiens de Paris et d'Italie s'y étaient faillis. Il y avait dépensé plus de 3000 écus, son genou enflé, inutile et très douloureux. Il y avait plus de 3 ans, devenant de plus en plus mal, plus rouge, enflammé et enflé jusqu'à lui donner la fièvre. En ce même instant, tout autre médicament et secours abandonnés depuis plusieurs jours, dormant, il songe tout à coup qu'il est guéri, et il lui semble voir un éclair. Il s'éveille, crie qu'il est guéri, appelle ses gens, se lève, se promène, ce qu'il n'avait pas fait depuis son mal. Son genou désenfle, la peau flétrie tout autour du genou et comme morde va toujours depuis en amendant, sans nulle autre sorte d'aide. Et lors, quand je le vis, il était en cet état d'entière guérison, était revenu à l'orée d'un voyage de 2 mois qu'il venait de faire à Rome. De sa bouche et de tous les siens il ne s'en peut tirer pour certain que cela. Ainsi s'exprime Montaigne. Il est de fait, suivant sa très juste remarque, qu'il n'est possible de mieux ni plus exactement former l'effet d'un miracle. Ce sont là de ces changements à vue dont je parlais il n'y a qu'un instant, qui portent en eux leur certificat et qui, par suite, peuvent se passer de l'estampille de la science. La maladie du genou, décrite par Montaigne, est ce que nous appelons tumeur blanche, affection incurable, entre toutes spontanément, et que nous avons dit figurer également parmi les guérisons obtenues à Lourdes. Qu'en pensent nos esprits forts? Vont-ils se montrer moins féroces à l'endroit de nos pauvres pèlerins? Qu'ils y prennent garde. Toute épithète malsonnante qu'ils leur adresseront, même celle de jésuite, ne les atteindra que par ricochet, elle frappera tout d'abord Montaigne en pleine poitrine. J'ai dit, même celle de jésuite, c'est qu'en effet Montaigne, non seulement ose avouer, comme nous venons de le voir, qu'il a communié des mains d'un jésuite, mais il pousse l'audace, dans un autre endroit de son journal, jusqu'à faire la déclaration que voici. Entre autres plaisirs que Rome me fournissait en carême, c'étaient les sermons. Il y avait d'excellents prêcheurs, surtout parmi les jésuites. C'est merveille combien de part ce collège tient en la chrétienté, et croit qu'il ne fut jamais confrérie et corps parmi nous qui tint un tel rang, ni qui produisit enfin des effets tels que feront ceux-ci, si leur dessein continue. Ils possèdent tantôt toute la chrétienté, c'est une pépinière de grands hommes en toutes sortes de grandeurs. C'est celui de nos membres qui menace le plus les hérétiques de notre temps. Je m'arrête, par déférence pour nos gouvernants et nos édiles. Ah, Montaigne! Si jamais ils ont connaissance de cette profession de foi cléricale, je crains bien que la rue et l'avenue qui portent votre nom dans Paris ne soient, comme tant d'autres, promptement débaptisées. Mais en voilà assez sur Lourdes et ses miracles. Terminons par une simple réflexion. Il est dans le cœur et la pensée de tout le monde que, plus un malade se trouve dans une position grave, et même désespéré, plus il a droit à nos respects. J'ajouterai, plus nous devons compatir à ses faiblesses. Comment donc pourriez-vous justifier l'intention que l'on vous prête de lui interdire l'accès du sanctuaire où il compte faire une dernière et suprême démarche? Que, vous ne partagiez pas ses espérances, qui ne sont à vos yeux que des illusions et des chimères, libre à vous. Mais pourquoi lui faire un crime d'en avoir? Pourquoi surtout vouloir lui enlever celle qu'il a, puisque vous n'avez à lui offrir en échange que l'incurabilité? Laissez-moi, à ce propos, vous rappeler une anecdote, que vous connaissez aussi bien que moi, mais qui est tellement de circonstances qu'il me paraît utile de vous en rafraîchir la mémoire. Un prisonnier d'État, Pélisson, n'avait trouvé d'autre moyen d'adoucir les longues heures de sa captivité qu'en apprivoisant une araignée. Comme on lui avait laissé je ne sais quel instrument de musique, il l'avait dressé à venir quand il jouait certains airs. Un jour qu'il allait se livrer à ce passe-temps, le geôlier entre dans son cachot. Pélisson le met au courant de ce qui va arriver. Effectivement, dès les premiers sons de l'instrument, l'araignée sort de sa retraite, s'avance vers le prisonnier, puis s'arrête devant lui et y reste, comme dans une sorte d'extase. Que fait alors le geôlier? Au moment le plus pathétique de la petite scène, il s'approche de l'insecte, lève le pied et l'écrase. Et l'écrase. Voilà ce qu'a fait cet homme. Je me trompe. Voilà ce qu'a fait ce monstre. Mais vous-même, hélas, que vous proposez-vous donc de faire? Markendanarchive.org 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.